Paul la reine, la veine d'argile. Il y a longtemps de cela, un jour, je chaussais alors des culottes fendues au derrière, par prudence. Mon père me dit, « Si tu te sentais, nous irions jusqu'à notre vigne des Oulettes. » Je répondis, « J'ai de bonnes jambes. » Et nous voilà partis, mon père portant le carnier, moi, les clés qui balançaient sonnantes et lourdes pour notre vigne des Oulettes, où se trouvait et se trouve encore, un peu perdu entre les souches, une fontaine de belle eau claire et un bastidon sous un figuier. C'était aux approches de Noël. Les arbres ne gardaient plus de feuilles, mais comme le ciel restait beau, des oiseaux chantaient dans les buissons. Aussitôt arrivé, mon père dit encore, « Avant que de nous reposer, il faut aller jusqu'aux lavignes, faire provision de terre grasse. De cette façon, tu auras, quand viendra le moment des crèches, quelques beaux santons neufs pour remplacer ceux qui se sont brisés. » Nous allâmes jusqu'aux lavignes et jusqu'à la veine d'argile qui court en travers des marnes bleues. Puis, revenus au bastidon, près de la fontaine, mon père se mit à pétrir, et je m'émerveillais de voir l'argile s'amollir ainsi en une pâte onctueuse et souple dont il modela d'abord, histoire de m'amuser, un âne, une chèvre que l'on fit sécher au soleil, et dont il mit le reste dans des moules précieusement conservés, d'où sortaient comme par miracle et prêts pour le coloriage des paysans et des bergères vêtus à la mode de l'ancien temps. Une autre fois, mais j'étais alors déjà grandée, mon père m'amena encore à notre vignette des Oulettes. Il s'agissait de motifs autrement graves que de fabriquer des ânes, des chèvres et des santons. Les conduits de la source perdaient, et l'eau égarée en chemin n'arrivait plus jusqu'à la fontaine. Pendant que mon père mettait à jour les tuyaux et cherchait la fuite, j'eus mission d'aller faire provision de terre grasse aux lavines. Te rappelleras-tu l'endroit ? Dans le creux du vallon où se trouvent en quantité des tussilages et des prêles. Si je me rappelais l'endroit ! La fuite découverte et le désastre réparé, à grand renfort de terre grasse, nous dînâmes près de la fontaine, qui soudain coula, un peu trouble d'abord, puis de plus en plus clair, sous le vieux figuier, dont les feuilles, car c'était en cette saison, donnaient déjà un semblant d'ombre. Et comme la foi des santons, le jour passa délicieux. Oui, il y a longtemps de cela. L'heure s'en va, les années meurent, mais les choses ne changent point. Figurez-vous que, l'autre jour, un voisin est venu m'avertir obligeamment, toujours à propos de la fontaine. Elle s'est de nouveau égouttée. Cela doit provenir de la serve, car le haut du champ semble humide. Je retournerai donc aux Oulettes. Je descendrai au vallon des lavines, faire provision de terre grasse. Et, fontainier improvisé, je lutterai de mon mieux pour obturer trous et fissures, les parois lisses de la serve, c'est-à-dire du petit réduit maçonné où souterrainement se ramassent les eaux. Surtout, ajouta le voisin, prenez-vous garde aux salamandres. Il s'en trouve toujours là, des couples qu'attire la grande fraîcheur. Mais je ne redoute guère les salamandres, pas plus que jadis. Écolier, jusqu'à l'effroi des paysans, j'en emportais quelqu'une au fond d'un cul de bouteille, admirant les reflets de son corps couleur de bronze, constellé de larges taches d'or. Les paysans, d'ailleurs, ne se trouvent jamais bien rassurés aux Oulettes, un peu à l'abandon depuis que le père n'est plus là. Tandis qu'on y travaille, disent-ils, on entend toujours remuer quelque chose sous les feuilles. Au milieu des végétations de hasard, rosiers redevenus buissons, tapis de pervenches rampantes inextricablement enchevêtrées, vit en effet, dans ce coin paradisiaque et béni, toute une population de mystérieuses bestioles. Et sans compter les salamandres, c'est tantôt, collée à l'écorce, une rainette dont la teinte verte se confond avec les feuilles luisantes du figuier. Un grand lézard, vêtu de perles, buvant le soleil sur le plat d'une muraillette. Une couleuvre qui glisse et passe, mi-dressée, et portant à la gueule un poisson volé au vivier. Il faisait un peu chaud pour aller aux lavines, un peu chaud pour piocher et pour déceler la dalle qui couvre la serve. Je résolus de m'asseoir à l'ombre, au besoin même de m'y coucher dans l'herbe, déjà haute et drue, et d'attendre, en fumant des cigarettes, un nuage ou l'approche du soir. La bonne après-midi que je passais là, et comme je remerciais la source d'avoir su tarir si à propos. Son bruit, s'il faut tout dire, me manquait. Bruit d'eau tintante, tombant de haut, par le long canon, engorgé de tuf en dentelle et de mousse dans la vasque sonore du bassin. Mais je n'en percevais que mieux, avec ses infinis détails, ses insaisissables nuances, les chansons que, comme à mi-voix, la jeunesse du printemps soupire. Plus tard viendra le grand murmure des blés froissés et le vacarme des cigales. Aujourd'hui, c'est une discrète et vague harmonie. Chuchotement des feuilles nouvelles au vent, bourdonnement confus d'abeilles, montant en gammes assoupies des corolles et des calices. Musique enivrante et féerique qui semble aussi être un parfum. Je m'endormis et j'eus un rêve. J'étais assis près de la fontaine qui se trouvait précisément coulée dans le vallon bleu des lavines par une fissure de la veine d'argile au milieu d'un bouquet d'iris mêlé à des sauges fleuries. Le cœur joyeux, l'âme en fête, sans hâte comme sans fatigue, je laissais naître sous mes doigts toutes sortes d'ingénieuses figulines harmonieuses et drapées qui, peu à peu, finissaient par prendre vie pour s'envoler vers l'horizon, vagues et devenues des chants, des romans, des poèmes. Or, je comprenais obscurément comment comprend au jour chimérique du rêve que c'était là les projets irréalisés, les chefs-d'œuvre restés à l'état d'espérance pour tant d'autres, mais non plus pour moi désormais. Et mon glorieux orgueil s'augmentait encore de ceci, que la veine d'argile, je le savais, ne s'épuiserait point, et que les chefs-d'œuvre en sortiraient ainsi longtemps et longtemps innombrables. Pendant que je déposais à l'ombre pour qu'elle y séchât ma dernière figuline modelée, une vierge grecque, il me semble, le cri du martinet, rapide et strident, m'éveilla. Je me dressai, la tête lourde, rassemblant avec peine mes idées, tant deviennent pénétrantes, au déclin du jour, les senteurs de la sauge qu'imprudemment j'avais prise pour oreiller, et des grands iris héraldiques au voisinage desquels je m'étais endormie. Car, faut-il l'avouer, le soleil déjà disparu teintait à peine d'un dernier rayon rose la croupe neigeuse de Lure au moment où, artiste paresseux, mélancolisé par son rêve, mauvais paysan qui laisse passer l'heure, je descendis enfin, pris de remords, et la fontaine, ne coulant toujours pas, vers la veine d'argile et le vallon bleu des lavines. 1928, fin de la nouvelle de Paul Arène, La veine d'argile.